La nuit tombe sur la poussière d'octobre. Il ne reste que des souvenirs, que des bruits dans l'hiver. On écoute Gilles Vigne, un extrait du concert à la Tour du Bourreau, issu de la cassette Dada Chalos, paru sur Fluxus Montana aux USA en 2015. J'ai échangé ça avec Gilles Vigne à Pau en juillet 2015 lors de son dernier concert là-bas, sous le nom de Chomo. Tout de suite, on va écouter Skrufnuk Dust avec le titre Wild Planet. Vous reconnaîtrez peut-être pourquoi ça s'appelle comme ça. Sur la cassette Crate and Mind State, auto-édité, un mec de Mumbai. C'est sorti en 2014 et j'ai acheté ça chez Ex Vinilo Arabastins. Tout de suite, on va écouter Mrs. Cathy avec le titre Death Ripa, paru sur la cassette Bezley Fortiche. C'est de Paris et c'est Red Libanis qui a sorti ça en 2015. J'ai pas pu l'acheter quand ils sont venus lors du deuxième épisode d'Expédition, un festival de micro-édition à Lyon cet été. Du coup, c'est une cassette copiée sur la cassette de Jack. Merci, Jack. Gangsta rap. À République, c'était pas sympathique. À Gare de Lyon, il y avait beaucoup d'actions. J'ai eu chaud aux fêtes, avenue Jean Jaurès. On m'a fait ma fête, à place des fêtes. À la Défense, j'ai fini aux urgences. À Bordeaux, j'avais besoin de morphine. Place de la Nation, j'ai pris des coups de bâton et des coups dans la tête. Boulevard de la Villette, boulevard de Magenta, j'y ai laissé des doigts. J'ai perdu mon coccyx en allant à Saint-Denis. À Sébastopol, j'ai eu du bol. Mais à bonne nouvelle, j'ai pris un coup de pelle. À Alma Marceau, c'était un coup de râteau. Rue Hoche, pour moi c'était Hoche. Arrivé à Voltaire, coup de revolver. Je me suis fait cafouiller. Rue de Crimée et un coup de carabine. Boulevard des Capucines, c'était pas marrant. Avenue Secrétan, devant le Grand Rex, j'ai perdu mon index. À Charles de Gaulle, étoile, direct à l'hôpital. Légal près du métro, je me prends un coup de couteau. À Palais-Royal, je me suis pris une balle. À Gambetta, j'ai pris un coup de Beretta. À Port de Saint-Cloud, on m'a brisé les jambes. À Créteil, préfecture, j'ai eu quelques fractures. Boulevard Pasteur, j'ai pris un coup de cutter. Tout de suite, ce titre, ça m'a fait penser à un autre morceau, enfin une ambiance que je connaissais bien, puisque c'était la cassette de chevet de toutes mes années lycée. Et c'est mon copain Khalil qui m'avait ramené ça de Paris aussi. Une cassette sans boîtier, mais une cassette originale du live de Berrurier Noir. Donc voilà, je remercie Khalil, son cousin punk. Black Metal for my funeral. de Strasbourg, acheté à Toulouse lors de son concert pour le festival Indélébile en 2015. Le morceau, c'est Hayad Homosexual Dreams. Et c'est Yuri Gagarin, une autoprod. Ensuite, on écoute Liquid Pink avec le morceau Immortal Part of an Iceberg sur la cassette Always Smiling. C'est une cassette que j'ai trouvée au vide-grenier de la Croix-Rousse début de l'été. C'est paru sur Clef Prod ou Autoprod en 1983. Thank you. Cosmico Cassetta. Cosmicassetto. Cosmico Cassette. Voilà, c'était Liquid Pink avec Shadowman. En fait. Et maintenant, c'est Yannick Dobby. Sur une cassette qui s'appelle A Pattern Which Connects. C'est la phase B, c'est le début, c'est un enregistrement. Non, je vous dirai pas. Je vous dirai à la fin. C'est paru sur Anarcho Freaks Production en 2015. C'est JB qui m'a prêté la cassette en fait. JB, Jean Bender. Juste avant d'aller à Bruit et Amour 2 et Boudoubou. Des enregistrements de poissons et de crustacés pris à l'hydrophone à Taïwan. I left reality and dove into my mind. I was a perfect being, a spiritual being. I was out of my body. My body was dead. I was perfection of knowledge. It was time to get all the answers. I solved every mystery that had ever bothered me. I found out what happens after death. I was there. I had all the answers of the greatest mysteries in history. Nothing could stop me. I just needed to fly through all those beautiful circulating colors and take the answers. Although it's pretty hard to remember all those answers, but I remember some of them were really terrifying. I felt good. C'était Coralie qui lisait un texte édité dans Zoï, sous-titré Trip Report. Ouais, c'est un super fanzine risographié avec des comptes rendus de trip. Maintenant, c'est Philippe Téchéine avec le morceau Rue d'Algérie qui est sur la cassette split avec 300 mAh sortie par Mujutra en 2011. Mujutra de Lyon. Moi, je l'ai chopé à l'Expo Juliac au Musée d'art contemporain de Lyon en 2015, juste après le concert de 300 mAh. Et puis je vais me mélanger, je crois, avec Boukwad, un groupe russe qui a été sorti par Underground Pollution Records en 2014, qui m'était offert par Jimmy. Voilà, c'est un groupe russe avec le titre Van Gogh, version démo sur la cassette Diakva. Чёрточки подделывают твои. dit au revoir avec une planète tap. 115B116TK, paru chez Thaumaturge en 2012 sur la cassette The Art of Art Rearing. Cassette.